La délégation du comité d'État du sinistre d'urgence conduite par le président Kang Il-so a quitté le 15 Pyongyang par train pour le Forum mondial en faveur de la réduction du danger du sinistre prévu à la ville de Cancun du Mexique.